Silhouette est méchante, j'allume ma joie quand c'est chaud. L'Arabie c'est pas un jeu, dans la vie j'ai dû faire des choix. Dans une touche que j'ai choisi, on a grandi c'est nos gènes. En cas de soucis on a vieux chat, au fin fond de la cité. La haine sans l'immédité, on a goûté à l'argent. On en veut plus de tous les jours, on en veut plus de tous les jours. On en veut plus de tous les jours. Ne fais pas le baril, ne fais pas le baril. Qu'on fait j'ai le baril, fais j'ai mon baril. La gomme se marie, qui fait la dégaine de caillère. Qui fait la dégaine de caillère. Elle a qui fait la dégaine de caillère. Elle a qui fait la dégaine de caillère. La dégaine de caillère. Un oiseau fait son nom, l'oiseau fait son nom. Vérité qui blesse, yeah. J'allume ma jet, j'éclate dans le sky fly comme jetpack. Ces gens récurrents échauffent ses services. J'ai l'option AMG pack 243 comme Chili. Elle veut du show du Pili Pili. Puis elle se met à me parler d'amour. Quand je la tiens par les poignets d'amour, je brûle au CB marron. C'est pas qui je suis, demande à ton daron. Elle veut que je sois son mobali, que je l'emmène en Italie ou Bali. Moi je les dable le gazon de Cali. Et je regarde le monde se salir. Y'a toutes les planètes qui s'alignent. Mon DG la tête qui s'abîme. Bitch t'en mettais end. Bitch couleur ébène. Alors tu fais la dégaine. Ouais je vois j'étais ma montagne. Moi je suis afro. J'suis sorti ma. Elle en est accro. M'appelle pas gros. M'appelle pas bro. M'appelle pas ro. Je te connais pas trop. Ne fais pas le baril. Ne fais pas le baril. Qu'on fait j'ai le baril. Fais j'ai mon baril. La gomme se marie. Qui fait la dégaine de caillère. Qui fait la dégaine de caillère. Elle a qui fait la dégaine.